essai sur la révolution au XXIe siècle. On s'est donné un peu de temps. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cette expérimentation. des questions? Ouais, j'ai en tête des questions de curiosité. Tu parlais des blocs épistémiques larges qui supplanteraient finalement les logiques disciplinaires qui se sont fossilisées depuis des décennies, voire des siècles, pour certaines disciplines. Tu penses à quoi exactement? Bah, si tu veux, moi j'étais... Je peux parler de moi. Si tu veux, moi j'ai eu la chance d'être longtemps professeur de sciences économiques et sociales en lycée. Et sans suivre les programmes, parce que j'étais prof à un moment où non seulement on refusait de passer l'agrégation, ça date un peu, mais en plus on refusait les programmes. Et on a été un corps professionnel expérimentateur pendant au moins deux décennies, où justement on essayait de mettre en pratique justement ces articulations de la politique, de l'économie et de la sociologie. On a été formé à cela. Puis, ensuite, je suis beaucoup intéressé à la science sociale. Qu'est-ce que c'est qu'une science sociale? Qu'est-ce que serait une science sociale générale dans la mouvance, plutôt dans la mouvance de la revue du Mons? Et je pense que ça a été des lieux pour essayer de penser ces choses-là. Mais on trouve aussi chez Bourdieu, je suis beaucoup intéressé à chez Bourdieu ou chez Foucault, à des formes de traverse, si je puis dire, de ce genre. Donc j'ai pas de modèle, j'ai pas au-delà de mes intérêts et des parcours que j'ai fait dans différentes. Mais je pense que les sciences sociales sont assez bien placées, justement pour ça, d'où le combat très important pour se trouver une place au CNU pour les économistes hétérodoxes. Ça, c'est un combat. Combat majeur de défendre les SES au lycée, c'est très important pour cela, donc ça commence maintenant, si je puis dire, sur ces axes-là, ça fait partie du combat, mais que j'intègre justement dans cet ensemble que j'appelle l'université du commun. On ne saurait trop remercier Christian Lafargue et puis Pierre Dindou d'avoir mis sur le marché des idées. Oui, merci. Je veux dire, quand une notion est reprise de cette façon par tant de gens différents les uns des autres, c'est qu'elle a une efficacité historique potentielle, et je trouve que ça fait longtemps, disons, qu'il n'y a pas eu un phénomène culturel et politique de genre depuis bien des années dans le monde de langue française, en tout cas. Donc, bravo, et puis, esquisser cette université du commun, comme vous l'avez fait à la fin, c'est vrai que ça donne une perspective. Mais je serais plus réticent, plus réservé sur toute la description que vous faites, disons, de l'état des choses, et en particulier de cet énoncé qui consiste à dire « nous sommes dans un nouvel âge de la connaissance ». Alors, je vais faire un parallèle qui est assez étrange, peut-être, assez incongru, peut-être un peu choquant. Au lendemain de la chute du mur, il y a ta recherche qui a commencé sur les pays ex-socialistes. Et il y a une théorie, une approche qui a été largement développée, qu'on a appelée totalitariste. Et puis, il y a une objection qui a été faite à cette approche, qui consistait en substance à dire, attention, allons voir ce qui se passe dans la société, plutôt que d'écouter ce que disaient les dirigeants des partis communistes. Et je trouve que dans toute cette description, vous écoutez trop les dirigeants du parti. C'est-à-dire que je crois qu'il faut faire très attention de ne pas participer par notre description de l'adversaire, de l'autoréalisation des proclamations réformatrices. Je crois qu'il faut faire très attention à ça. En d'autres termes, Foucault d'ailleurs nous propose des outils qui présentent un peu les mêmes inconvénients. Enfin, quand on dit on passe d'un socle épistémique à l'autre, bon, ben c'est comme si, bon, c'est fait, quoi. D'ailleurs, entre le stupide de Damien et le règlement de prison, on n'a rien vu de ce qui s'est passé. Ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut voir, c'est le nouveau monde. Et si on s'intéresse, si à force de parler d'un nouveau monde, on finit par croire qu'il existe. Autant, par contre, lorsque vous avanciez comme une notion idéal type weberien, là je marche mieux parce que idéal type, ça, c'est un outil qui dessine une cohérence et qui doit être utilisé pour décrire une réalité qui est à des écarts avec cette cohérence. Alors là je pense que c'est un bon problème. Donc, un idéal type, ce n'est pas le diagnostic d'un changement d'être. Donc, qu'on discute un petit peu de ça. Bon, il y aurait des arguments à l'appui de ce que je viens de dire, je pense. Pas seulement, disons, méthode, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais d'abord, ce qui me paraît, je vous suis complètement sur l'idée du caractère dangereux par la performativité, si je puis dire, d'un discours critique. Néanmoins, peut-être faudrait-il bien mesurer les effets pratique du par percolation en fait de ce nouvel âge de la conception de la connaissance. Ce qui est clair, c'est que ceux qui ont en main les pouvoirs économiques et politiques partagent une nouvelle conception de la connaissance. Ça, c'est clair. Ce qui est important, c'est de voir comment cette conception se traduit par des transformations pratiques. Et d'articuler ce qu'on constate, j'ai parlé comme ça, des transformations de nos collègues, des nouvelles pratiques de surveillance et du contrôle, etc., etc. De voir que tout ce à quoi on assiste peut être lié à cette conception de la connaissance qui n'est justement plus seulement une conception, qui est mise en pratique. Parce que le danger, c'est de s'en prendre à tel ou tel aspect sans voir l'organisation d'ensemble, sans voir le caractère systémique. Bon. Ce n'est pas encore réalisé. C'est loin d'être réalisé du fait même que, justement, l'université, elle a bien des siècles derrière elle. Et qu'il y a aussi une incorporation chez nos collègues d'un ethos académique qui tient encore. Néanmoins, alors il faut être très prudent. J'ai dit idéal type, et sur le plan de la méthode, c'est peut-être de la prudence, mais j'aurais plutôt envie de dire que ça ne suffit pas non plus. Ça ne suffit pas non plus parce qu'il faut qu'on étudie justement toutes les formes de diffusion, toutes les manières dont cette conception devient réalité. Et ça, voilà. Comment dire? Ça arrive. C'est pas seulement ça arrive. C'est en train. C'est en cours. Donc, il y a peut-être la. Non, mais il faut trouver les manières. Il faut trouver les manières de dire. Comment? C'est en cours. Et c'est un processus, voilà. Ce n'est pas complètement advenu. C'est en cours. En français, on n'a pas l'anglais pour le dire. On n'a pas mais voilà, on peut dire que c'est en cours, ça advient. C'est très actif, ce sont des principes très actifs, du fait que les néolibéraux ont les outils, les outillages, pour ce devenir-là de l'université. Voilà ce qui... Je comprends le sens. Je comprends bien le sens, enfin, disons, l'intérêt à la fois intellectuel et stratégique de la description de la stratégie de l'adversaire. On a besoin, et comme vous l'avez très très bien dit, je suis complètement d'accord avec ça, si tant d'universitaires français se sont fait avoir, c'est qu'ils sont, ils sont rendus compte très très très tardivement de cette cohérence. Néanmoins, comment dirais-je, ça dépend un peu de la sociologie qu'on a envie de faire, mais une sociologie qui est attachée à la description des pratiques s'éloigne un petit peu de simplement l'énoncé des stratégies. Elle regarde ce qui se passe. C'est comme si, dans la sociologie du travail, y compris à l'époque taylorienne d'ailleurs, croyait ce que les ingénieurs des méthodes racontaient sur la façon dont les ouvriers travaillaient. Le problème des ouvriers, y compris à cette époque, c'était de travailler quand même, c'est-à-dire de réussir à gagner leur vie, à ne pas avoir d'accident et à produire un truc correct, malgré les ingénieurs des méthodes. Mmh. Et aujourd'hui, c'est la même chose à ça, avec à la puissance 10. Donc, regardez ce qui se passe à l'atelier, dans le bureau et tout ça, c'est très très important pour nous, je crois. Regardons de la même façon ce qui se passe à l'université, en regardant les pratiques des collègues. Parce que ce qu'on sait bien, c'est que tous ces trucs-là, ça empêche de travailler, ne serait-ce que ça. Et ça empêche y compris de faire de la science. Pas tout, il y a certains types de sciences que ça aide, ok. Par exemple, les sciences cognitives. si on peut appeler ça des... On regardait ce qui se passe à la base. Le refus actuel quand même, il y a quelque chose qui se passe à propos des droits d'inscription des étudiants étrangers. Pourquoi est-ce que ça pète de partout, y compris les présidents d'université, les plus collabos, les connaissances, etc. C'est que ça ne correspond pas à une pratique auxquelles les gens sont attachés, parce qu'ils ont beaucoup d'étudiants étrangers. Bon, je ne fais pas beaucoup d'études, pour nous, c'est une catastrophe. Dans le même Prochasson qui se couche devant absolument tout. J'espère que c'est alors. On va tous être grillés. Toutes les injonctions ministérielles, qui est l'injonction ministérielle faite homme, avec une certaine élégance d'ailleurs, et bien même lui, il est contre. Alors, ça représente bien des pratiques. Voilà, c'est ça que je vous ai. Moi, merci beaucoup déjà pour cette intervention qui est très intéressante. Moi, je m'intéresse pas mal à l'ethnographie en ce moment, à l'histoire de l'ethnographie et quels grands changements il y a eu, les révolutions qu'il y a eu là-dedans. Mais moi, ça me fait beaucoup penser au livre Writing Culture de Marcus, qui était ici il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, et qui a révolutionné. Enfin, voilà, on n'a pas vraiment parlé du postmoderne dans cette histoire, avec des changements disciplinaires. Ces questions-là qui touchent beaucoup le monde américain. Enfin, Marcus parle de la crise de réception de l'ethnographie. Est-ce qu'il y a la même chose un peu en sociologie, j'ai l'impression, forcément, qui se fait à la fois en interne, parmi les collègues, qui font pas une bonne réception donc, des travaux des autres, avec peut-être, je ne sais pas, j'essaie de penser à une forme de culture de la recension, peut-être, où tout le monde lit des recensions de l'autre, personne n'a lu le bouquin de l'autre. Puis on va regarder un film ou un TED Talk ou un truc comme ça et on essaie ce genre de solution technologique qui va se mettre en place. Donc ça crée une sorte d'anxiété assez importante et je pense que comment est-ce qu'on fait par rapport à cette anxiété, surtout pour les plus jeunes chercheurs. C'est plus facile quand on est un professeur d'université qui a fait toute sa carrière, qui a toute cette expérience, tout ce bagage critique et d'ailleurs il faut s'en servir je pense. C'est justement là que l'ethnographie peut revenir et servir d'outil, justement, enfin, cette question de l'outil du maître, qu'est-ce qu'on fait de l'outil du maître dans ces situations. Donc, avec l'anthropologie, l'ethnographie, évidemment, l'ethnographie colonialiste a été. Tu disais qu'il n'y avait pas d'éthos, qu'il ne fallait pas y avoir d'éthos, et justement, Marcus, il parle d'un éthos de l'ethnographie aujourd'hui, qui est d'abord une posture anticoloniale. Aujourd'hui. Et donc voilà, je pensais que ça pouvait servir d'outil aussi, c'est ce qu'on fait de mieux à l'université, c'est écrire nos expériences et partager nos expériences, même si on est envoyé chacun dans son camp faire sa thèse tout seul pour enfermer, je sais pas, à la BNF ou je ne sais où. Il y a aussi des ambitions, des imaginaires qui veulent mettre en commun justement ces expériences à l'université. Il parle de l'auto-ethnographie collective, il parle de ça, de l'auto-ethnographie commune, je ne sais pas ce que tu penses par rapport à ça. Et aussi un peu antidisciplinaire, parce que moi je vois beaucoup de choses, c'est en sociologie et en anthropologie, enfin, c'est les mêmes discours qui tournent un petit peu entre les disciplines. Je voulais savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Mais je connais pas exactement ça. Ce que j'ai vu, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place dans notre laboratoire où tu fais partie. Je sais pas ce que. Je suis un peu éloigné du laboratoire, mais on a essayé de mettre en place, pas seulement pour les doctorants, parce qu'on avait essayé de mettre en place aussi pour les M2, c'était justement des pratiques d'intégration très tôt des étudiants dans des travaux coopératifs des prises d'initiatives collectives de la part des étudiants, ce qui a très très bien marché. Que, évidemment, on n'a pas dit, on n'a pas crié sur les toits qu'il s'agissait pour nous quand même des démarches expérimentales. De la même façon, quand on a créé cet atelier des pratiques utopiques à Nanterre, on n'avait pas crié sur les toits qu'on essayait de faire quelque chose, justement, on parlait des pratiques. On essayait de réfléchir avec des acteurs de pratiques alternatives, justement, dans le cadre de l'université. Et un exemple assez amusant de la circulation des pratiques expérimentales, c'est que nous avons fait ça jusqu'à Nuit Debout, et puis Nuit Debout a fait complètement exploser notre groupe. On avait atteint un tel sommet, si je puis dire, en faisant venir les militants de Nuit Debout à Nanterre, qu'après, tout nous est paru d'une trivialité, donc ça s'est un peu effiloché. Mais par exemple, cet atelier des pratiques utopiques a été repris par des collègues de San Paolo qui étaient en stage postdoctoral à Nanterre, et ça fait maintenant 4 ans qu'ils ont mis ça en place avec tous les mouvements sociaux, tous les acteurs des mouvements sociaux au Brésil, etc. Et ce qui s'était jamais fait comme tel à l'université de San Paolo, qui est resté très, très classique, l'université formée par les Français, par la mission française, etc. Donc très classique. Donc, c'est minuscule hein, ce que je dis là, mais je pense que c'est des choses comme ça, ces micro-initiatives qui peuvent faire effet un peu de masse. Pourquoi est-ce que vous voulez garder le nom de l'université? Oui. Déjà. Parce que l'université, c'est déjà une image. C'est un bon compte dans lequel les gens se sentent en sécurité. Ils ont envie d'en sortir. Ouais, qu'est-ce que vous. Non, mais bon, je me lance des idées comme ça qui sont personnelles de la pendant que je vous écoute. Oui, oui, parce que vous avez une outil, vous avez une idée. La volonté. Non, mais c'est pas sur la volonté. Moi, ça m'a bloqué cette histoire. Alors, après, je ne me suis pas trop intéressée, je n'ai pas été chercher trop loin. Mais pourquoi essayer toujours de faire une université, enfin, de reproduire une université, les modes de fonctionnement d'une université? Pourquoi aujourd'hui, où il y a des possibilités de communication qui sont nouvelles, qui demandent qu'à être développées dans le bon sens, pourquoi les laisser se développer dans le mauvais sens alors qu'on pourrait les utiliser, se les approprier, pour les faire fonctionner dans un sens qui nous convienne. Et en même temps, il y a des choses par rapport à l'université aussi qui me posent question, parce que c'est très fort en France, c'est la séparation entre l'enseignement technique et l'enseignement général, par exemple. Mmh. Là, moi, ça me heurte énormément. Mmh. Je n'accepte pas cette division qui, en plus, en France, est beaucoup plus forte, a des résonances beaucoup plus fortes que dans d'autres pays. En Suisse, par exemple, je ne connais pas le développement précis, mais j'ai suffisamment de connaissances locales pour en discuter. Par exemple, l'apprentissage, ce n'est pas du tout perdre. Perdre quelque chose, c'est au contraire acquérir. Tous les enfants n'ont pas envie de faire des métiers intellectuels. Et il y en a beaucoup qui ont aussi envie d'utiliser leurs mains et leur cerveau, enfin les deux en même temps. bien écouté et quelque part je me disais mais comment est-ce qu'on pourrait faire exploser vraiment c'est pas parce que l'université existe depuis des siècles qu'elle doit continuer à avoir ce nom et qu'elle doit continuer aujourd'hui où on a vraiment des moyens de communication très différents on va construire quelque chose d'autre. Alors bon, je vous donne pas beaucoup de clés, mais en tout cas, des choses qui me dérangent, qui me font dire que ça crée des freins. La nomination même, oui. Dans le même registre, j'ai le sentiment que ce rapport à la connaissance qui a été complètement attrapé par le capitalisme, pour en faire expliquer la valeur, donc échangeable, et donc marchandisable, ce rapport à la connaissance-là n'a rien à voir avec la question de l'éducation dont je parlais initialement. Oui. Et que, à quel moment on accepte de jouer ce jeu-là, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de production de connaissances et quel est le lien entre l'éducation et la production de connaissances? Est-ce qu'on cherche à produire la connaissance en soi? Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Dans l'organisation de la vie de la communauté, avec mes enfants, mes amis, mes amis, enfin, voilà, tous les gens. La connaissance en elle-même, quand je vois l'histoire de la production de la connaissance et l'histoire de l'évolution des sociétés, je trouve assez peu de vertu. Voilà. Et je me demande, par rapport à cette question de l'université, encore une fois, jusqu'où on continue à alimenter cette tentative de production de connaissances et à valoriser en tant que telle, puisqu'elle est devenue une marchandise. Ou est-ce qu'à un moment, on se dit, ce qui est de l'ordre de la formation, donc du temps qui n'est pas passé à produire, etc., pour la communauté, est-ce que ce temps-là, qui est une richesse merveilleuse, incroyable, une liberté inouïe, on refuse de l'offrir à la marchandise et qu'on remet la question de l'éducation et en plus celle de la connaissance, jusque dans le supérieur, ce qui serait complètement autre chose. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on n'a juste plus besoin du tout d'éducation supérieure. Alors, si on change le nom, si on suit l'enseignement supérieur, là, on va loin. Là tout est par terre. Là. C'est pire qu'en 68. Non, c'est un peu en 68. Ah, oui, mais. Il y a eu une espèce de mouvement. Je pense qu'il y a un moment où une grande partie du monde a une richesse matérielle assez considérable, est sortie de soucis un peu plus durs, mais n'a pas encore cette masse de gens supérieurement éduqués qui produisent le monde actuel. Et que une part du bonheur des années 70 tient là-dedans, dans cet équilibre étonnant. Et ensuite, assez oui. Bon, la question, c'est justement. C'est la question de qu'est-ce que c'est. On parle beaucoup en ce moment des mouvements populaires, etc., et qu'on ne veut jamais définir, mais je pense que la question de l'éducation est un curseur déterminant. Qu'est-ce que c'est que ce monde populaire dans lequel on pourrait reconnaître une certaine décence, etc. Est-ce que quand on échappe, est-ce que l'éducation supérieure, finalement, n'est pas une construction qui défait ce monde populaire? Quand je travaille sur les villes, je suis architecte, paysagiste, et il y a un mouvement extrêmement parallèle à ce que vous décriviez, ça me frappe en vous écoutant, sur qu'est-ce que c'est que le projet urbain aujourd'hui, le branding territorial, ouais, bah c'est ça, oui. La métropolisation urbaine, la concurrence des villes entre elles, etc. Mais on peut vous remplacez l'université par ville dans tout ce que vous avez dit. Exactement la même chose. Ben, c'est exactement ça, c'est la logique transversale de celui des urbanistes. Alors, est-ce qu'on fait des villes pour les gens qui y habitent ou est-ce qu'on continue à les faire pour vendre de la Tour Eiffel à des touristes, etc. Et l'université, c'est pareil, est-ce qu'on la fait pour vendre de la connaissance entre universitaires, etc. Parce que ça participe du branding territorial des universités directement. Et pour l'excellence, complètement, c'est complètement. La visibilité mondiale. Ah, c'est exactement ça. Oui, ça va être intégré aux politiques urbaines. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, comment on arrive à sortir de ça, quoi, justement. C'est pas évident, hein, parce que comme vous le disiez, c'est systémique. C'est pas, si c'était idéologique, à la limite, c'est relativement simple. Mais et c'est par rapport à ça que quand vous parliez de petites organisations, de petites expériences, etc., moi, je me retrouve plus là-dedans que dans une organisation mondiale, politique, des savoirs, etc. Oui. Parce que je suis de plus en plus interpellé par le monde de la production de la connaissance. Mmh. Dans la stratégie des communs, si je puis dire, c'est justement le fait que, d'essayer de faire que des initiatives locales, des petites expérimentations, etc., etc., puissent se coordonner, faire masse, comme ça commence à avoir lieu par de multiples façons, par des réseaux, par des assemblées, par la circulation des idées, etc. Donc, et pas par l'État. Ce qui est intéressant, c'est que ces choses-là ont lieu en dehors des sphères étatiques. Sur le nom, l'universitas, si vous voulez, il y a eu des universités, des formes d'universités différentes. Est-ce que le nom d'université est suffisamment, attaché à des formes que l'on trouve complètement dépassées ou insupportables? Ou est-ce qu'on peut réinventer l'université? C'est la même chose pour l'école, etc. Bon. L'université, l'universitas, justement, moi j'ai dit non, c'était tout corps était une universitas, une corporation, une communitas, tous ces mots en fait étaient interchangeables. Ça voulait dire simplement qu'il y avait un rassemblement de gens. Universitas, ça veut dire ça. C'est un rassemblement de gens en un seul corps pour une action commune, pour faire quelque chose. Donc ça, il se trouve que c'est l'université comme lieu de formation qui a monopolisé le mot universitas. Avec l'idée d'universel. Avec l'idée d'universel. Alors, oui, mais c'était pas au départ l'idée d'universel, ça s'est rajouté après. Il y avait deux logiques, il y avait celle du droit romain, les universitates, le droit romain, et puis les universaux de la philosophie, puis les choses ont finalement se sont articulées. Et ce n'était pas sans rapport, quand le mot universitas se développe, ce n'est pas sans rapport avec le moment où se répand l'aspiration à l'autonomie des communes en Europe. Il y a quelque chose d'assez. L'histoire a pu être faite de ce parallélisme. Les communes étant aussi le lieu des corporations, des guildes, etc. Donc, voilà. Bon, évidemment, c'est ouvert. Enfin, merci, en tout cas, de votre radicalité, à côté de laquelle, desquelles la mienne est. Je croyais être un peu radical, mais là, je vois que. J'ai trouvé des maîtres en radicalité. Bon, je trouve que c'est une fois avec l'expérience du côté de Chiapas. Oui, bien sûr. Ouais. Mais je pense aussi que. Mais ça s'appelle l'université de la. Non, ça s'appelle Chiapas. Ils ont gardé. L'université de la Terre. La Terre, hein, c'est ça. Ils ont gardé le terme de l'université. Oui. Et en Inde, vous avez parlé de. Oui, et justement là. En parlant de ça, il faut que je fasse travailler mes ninges là, pour retrouver le nom en Inde. Je crois que c'est dur de retrouver, parce qu'on en a parlé dans une des réunions de la Volante, précisément, où on y a fait référence. Et c'est vraiment ouvert, il n'y a absolument pas de règles. C'est l'idée justement de former. Ah oui, si je retrouve des. Il faut que je retrouve le nom. C'est former des. C'est dans une commune, dans un des États. Et je crois que ça s'est un peu dispersé dans d'autres, de former des. Ça a commencé par des femmes qui n'avaient absolument aucune éducation et de les former à des métiers pratiquement d'ingénieurs, mais pas sur une durée de 5 ans comme nous on fait, mais c'est d'être capable d'eux. Et donc, et ceci se regroupe autour et qu'on peut. Ça me mobilise là. Comment ça s'appelle, j'ai un trou. Une touche peut-être poétique pour conclure. Parce qu'on parle de connaissances humaines, on parle de sciences humaines, etc. Mais moi, je pense aussi aux sciences de la nature, qui, pour certaines, familiarisent au commun. Et alors, j'ai en tête des réflexions chez les astronomes. J'étais au centenaire de l'Union astronomique internationale à Vienne fin août. Alors, 3000 astronomes qui débarquent à Vienne, c'était fascinant, avec même sa coche et tout. Mais tous, en fait, parlaient des corps célestes, de galaxies, spécialités hyper pointues sur les poussières interstellaires. Et il y a eu une session qui était passionnante sur le ciel comme commun. Comme commun, comme patrimoine commun de l'humanité. Alors, c'est lié à l'UNESCO, l'UAI. Et donc, on avait un parterre d'astrophysiciens qui réfléchissaient sur comment se relier à cet objet fascinant qui est le ciel, par les télescopes, etc. Et y a des instruments qui existent depuis le début, en fait, de l'astronomie moderne, professionnalisée à la fin des années 1900, c'était les clubs d'astronomie amateurs, par exemple, où on apprenait à connaître ensemble, échanger autour d'un instrument, un télescope qui fait partie d'un... On appelait ça des sociétés au départ. Aujourd'hui, c'est des clubs d'astronomie amateurs, et j'en fréquente quelques-uns, et c'est fascinant à voir. Hein. Des gens qui, d'un coup, ils sont une vingtaine, une trentaine, vont regarder le ciel ensemble. Il y a la nuit des étoiles, au mois d'août, etc. Et là, on est dans une culture partagée, commune, et on apprend beaucoup de choses. Hein. Moi-même, je règle mon télescope avec des pros, c'est fascinant, et on monte en compétence. Guillemets. Et alors ça, c'est la partie un peu poétique, sympathique, et on voit les gens se mélanger, hein, des astrophysiciens. Alors Olivier Bernet, qui participe à l'animation du séminaire, est astrophysicien, je peut-être si vous pouvez nous en parler bien mieux que moi, mais sauf que donc les professionnels, entre guillemets, échangent beaucoup et forment littéralement des futurs astronomes. Alors c'est passionnant à voir, et c'est des gens passionnés. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des interactions nocturnes à 3-4 heures du matin en face de constellations, et là on parle pendant une heure, deux heures du ciel. Enfin. Mais, et c'est là où c'est le bémol, c'est que la profession d'astrophysicien, elle aussi en fait, elle est gagnée par les logiques que tu décrivais. Alors, l'astronomie, les observatoires, les sacs à main, c'est terrible. Il y a une espèce de concurrence entre eux pour, par exemple, choper du temps d'observation. Et c'est le grand truc, notamment les observatoires type Very Large Telescope ou autre au Chili. Donc il y a une lutte acharnée entre les astrophysiciens pour précisément faire leurs recherches avec des critères d'efficacité, de performance, à tel point d'ailleurs qu'ils ne se déplacent pas, ils commandent des données qui sont reçues à la maison. Et c'est là que je me dis, mais les sciences humaines et sociales reviennent dans la boucle, hein, pour produire cette réflexivité critique qui manque parfois à ces communautés qui parce qu'elles sont prises, elles aussi, nées dans le guidon, même les recherches qu'on... On imaginerait les plus désintéressés, les plus déconnectés en fait des gens. C'est un bon exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Nacre, le film de Patricio Guzman sur le Chili. Ouais. Il montre les télescopes. Mmh. Et il montre aussi les communautés indiennes des îles de la Méditerranée du Chili qui parlaient des étoiles. Oui, c'est-à-dire Ria de la Luz. Et c'était simplement les ancêtres pour eux. Bien sûr. Les étoiles. Oui, c'est ça. Et donc, ils avaient une connaissance aussi. Bien sûr. Pour eux, poétique. Je ne sais pas ce qu'on a vraiment gagné avec les télescopes par rapport à ça. Il faut qu'on aille faire des observations. C'est pas des la question de faire du commun en mettant dans le ciel une conception des choses qui est partageable par toute une communauté, ça marche beaucoup mieux par la poésie que par la science. Moi je pense que les deux peuvent marcher de concert, mais tout ça pour dire que le chemin est escarpé quoi, pour la culture du commun, même dans les sciences les plus apparemment détachées de tout ça, des logiques concurrentielles. Et ça, j'ai découvert ça donc, en discutant avec les astrophysiciens, c'est terrifiant comme nous. La lutte pour les télescopes. Mais c'est parce que c'est la lutte aussi, parce que c'est un marché. Complètement. Les GAFA, ils ont fait bien sûr, sur le marché de... Bah, la digital astronomy, qui numérise à fond les étoiles. On a quand même un espoir sur le réchauffement climatique, hein, du côté de ces sciences-là, qui permettent de faire du commun. Qui malheureusement, sur la question de l'adaptation, ça vient beaucoup de ce monde-là. Ouais. Parce que l'adaptation au changement climatique. Oui. C'est un mot d'or qui est largement inspiré de cette affaire-là, mais on peut aussi voir l'espoir de faire des communs autour de... On partit tous ensemble. Bien, merci beaucoup. Alors, merci. Je rappelle juste les prochaines séances, parce que ce programme s'est mis en place de façon ultra chaotique et incoative. On a déterminé enfin les prochaines séances. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est une aventure, c'est le savoir. Oui, c'est voilà. Donc, 17 janvier, intégrité scientifique, ça va être passionnant. On invite Monsieur Intégrité de l'Office là, de Galles. On invite aussi Olivier Voinet, qui est pris dans une affaire de désintégration, si je puis dire. Le 14 février, c'est qu'est-ce qu'une université de rang mondial ? Donc là, ça va être peur.